safari. Les BMW GT, sans effets agités. Les bananes turbo, les calimites et les canavanserais. Censé philosopher, les cas serrés sur le garniché, les sans reflets dermiques, car armes et lourdes et bons signés. Ah, ah, ah, mentalité jetée, masque à terre. Ah, ah, ah, mentalité jette les masques à terre. Sans arrivé, les enrées banées, à qui met pas ton beurre, les châtains aux burnes, qui peut-il tomber, qu'à des cœurs croisés, des dames en dîme. Mentalité jette les masques à terre. Mentalité, jette les masques. Jette-les. Sans effet agité.